et sa peau. Fatigué de ceux qui ne veulent pas bouger. Et plein chignard de la haine, la jalousie. Car eux n'ont plus d'envie. Désormais sauve sa peau, fatigué de ceux qui ne veulent pas bouger. Plein chignard et la reine, jalousie.